pas là pour le style, rien de festif, pas d'électro, j'ai des beats. Tu veux vesquer, tu sous-estimes, mais le micro et le beat. Zen comme toi, j'ai un tas de plein, trop, j'suis plein d'où j'peux céder. Mais gros, j'ai l'écro, j'veux ouvrir un double CD. Stop aux embrouilles, dites aux petites en bas des tours de CD. J'ai l'intime conviction que chacun de mes beats peut s'élever. Même si j'suis pas renu sur le CV, même si je sais qu'à cette époque c'est devenu dur de s'aimer, j'récite. Les mots de l'âme, j'pourrais pleurer, j'résiste. Car trop de larmes couleraient, j'précise. Fond et forme, j'maîtrise. Ce genre de MC que c'est devenu rare trouver. Faire du fric, c'est tentant, mais j'sais pas faire dans la déconne. En attendant, j'me fie ni à la tendance, ni à tes codes. Ils ont semé la révolte, bientôt l'heure de la récolte. Tour d'être crédible, en clamant la paix via des cols. L'un des touristes des stars, condamné à courir des bars. C'est ce que c'est pour y laisse croire. Les mêmes se nourrissent d'espoir. L'un des touristes des stars, condamné à courir des bars. C'est ce que c'est pour y laisse croire. Les mêmes se nourrissent d'espoir. Ils ont pas comme but mourir vieux. Tu capes les dièses, les gens disent plus si Dieu le veut. Mais carpe diem, une casquette râle sur les yeux, j'éclate un tarpédaire. Rien à foutre de ton raflé, je veux que mon rap fédère. En cabine full boxon, je fais des textes de malade. Tu appuies les mon son dans toutes les caisses, se balade. C'est la crabe sans foirer, à Montpellier, Roubaix, Marseille, même dans les tests de Paname. Pourquoi tu rap? Tu veux juste faire de la maille, vite t'en es sûr. Moi, check ma voix, faut plus derrière un mic que dans les urnes. C'est méprisant, c'est MC, font du sale et profit des écrits sans. C'est même si tu bans les archives profil, le responsable système. Tout en emprison déconne, faudrait qu'on s'arme pour exister tout en brisant les codes. Dans la rue, combien apprennent et grandissant l'école, hein? Mais en brandissant des coltes. L'un des touristes des stars, condamné à courir des bars. C'est ce que c'est pour y laisse croire. Les mêmes se nourrissent d'espoir. Dans les touristes des stars, condamnés à courir d'espoir. Est-ce que c'est pour y laisse croire? Les mains se nourrissent d'espoir. Condamnés ont perdu, on garde nos vertus dans une prison à ciel ouvert. Les frangins se sentent libres en KTM. Qui sont les issues à Dieu qui réparera les fissures. Ta jeunesse perdue qui vivra ses rêves. Je voulais comprendre, mais la prof m'a négligé. T'aimerais refaire le monde après avoir pété ton terre de cette là. On veut taper des têtes à l'Elysée. Tu croyais que c'était ton rôme, il est en train de retourner sa veste là. Que Dieu nous pardonne pour les erreurs qu'on a commises. Crapuleux, on a traîné sans voir le danger. Ne me presse pas, j'ai pas fini de manger. Je compte bien récupérer ce que l'on m'a promis. Pas besoin de voyants. Pour mon équilibre, faut que je sois sain d'esprit. Je suis pas mal accompagné, je suis entouré de vaillants. Suffit d'être éprouvé pour être plein d'inspi. Non mais voyons, on est tous condamnés. On n'en sortira pas pour bonne conduite. On garde la mentale comme combine. On se répète, rien ne change depuis tant d'années. Depuis tant d'années. La classique dans les barrages. Classique dans les barrages. Tu trahis bon des barrages. Tu trahis bon des barrages. Dans tes clips ça sort les calages. Dans tes clips ça sort les calages. Mais quand tu vis, t'es en décalage. L'un des touristes des stars, condamné à courir des bars. C'est ce que c'est pour y laisse croire. Les mêmes se nourrissent d'espoir. L'un des touristes des stars, condamné à courir des bars. C'est ce que c'est pour y laisse croire. Les mêmes se nourrissent d'espoir.